Wesh, wesh. Cadeau Mike, Priscille, la famille. T'inquiète, ça va se régler. Règlement d'entrée dans la ville. Règlement coup de bateau. Ça fait mal, choqué, c'est normal puisque tu t'es fait taper. Les hématomes sont déjà sortis, si ça continue tu vas crever. Je voudrais t'aider mais souviens-toi, tu m'as jamais aidé. Toujours dû me sortir moi-même, en comptant que sur mes vrais. Donc qu'est-ce que je dois faire, te laisser crever ou te sortir de ce merdier? Règlement de compte qui tourne mal. En fait compte ta meuf me plaît, j'ai vraiment envie de te la piquer. Souviens-toi quand tu t'es fait ma meuf, ben voilà ton jour est arrivé. Je suis obligé, t'as beau pleurer, tu pourras rien changer. Règlement de compte qui tourne mal. Cadeau Mike, poteau, Priscille, t'as vu la famille quoi. Coup de fusil dans la gueule, des poulets quand ils nous ont troués. Leur gueule a bien sauté, 4 morts et 25 blessés. La voix du Nord nous a photographié, comment j'ai trop kiffé. Les voir enfin pleurer, quand je leur ai claqué. Tu te souviens quand tu l'as saigné, bonjour est arrivé. Tu vas claquer doucement et douloureusement. Règlement de compte qui tourne mal, c'est 2-3-20. Cadeau Mike, t'as vu. Vivement le changement quand je mettrai les gants. On montera sur le ring et ta gueule va gicler. V'là pas les raclés que tu vas te manger. Évite la moitié des coups, tu veux t'en tirer. Petit secret, j'aurai pas de pitié. Alors faites-moi pas chier. Enfermé sans voir les potos ni la famille. Ça fait pas kiffer, ça donne envie de se venger. Obligé tu sors, vaut mieux pas le croiser. Règlement de compte qui tourne mal. Seulement 4 morts et 25 blessés, c'est pas assez pour leur gueule de poulet. J'ai envie de les griller. Fils de Mike. Vivement le changement quand je mets sur les corps. On me prend sur la rue, on va sauter. Évite la moitié des coups si tu veux pas crever. Ou alors fais-moi pas chier. La prochaine fois je prendrai que 10 ans. Mais c'est pas grave, dès que je ressors je te mange. Ça fait mal, c'est normal puisque tu t'es fait taper. Les hématomes sont déjà sortis, si ça continue tu vas crever. Fils de Mike. K2 Mike. Priscille, t'as vu la famille. K2.